Cours Legendre accompagne la scolarité de votre enfant à domicile et en visioconférence avec nos cours particuliers par des professeurs de l'éducation nationale, nos stages intensifs de révision et nos classes préparatoires aux écoles de commerce. Retrouvez-nous sur cours-legendre.fr. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Alors qu'il était l'un de ses auteurs favoris, il fallut pourtant attendre 1982 et Les fantômes du Chapelier pour que Claude Chabrol tourne l'adaptation d'un roman de Georges Simenon. Aussi, 10 ans plus tard, dans Projection privée, le recevant pour la sortie de Betty, d'après Simenon, Michel Simon s'étonnait-il que les rencontres Simenon-Chabrol sur grand écran aient été si rares et si tardives. Il n'y en eut d'ailleurs pas d'autres par la suite. Dommage peut-être, car, comme le soulignait Michel Simon, les rencontres du père de Maigret et de celui de Lavardin auront été des réussites. Si nombreux sont ceux qui classent notamment Betty parmi les grands Chabrol, cela doit sans aucun doute beaucoup aux deux comédiennes qui portent ce film. À ceux qui ignorent encore que Stéphane Audran et Marie Trintignant ont été d'immenses comédiennes, on ne saurait trop recommander de voir Betty. Dans l'interprétation de Marie Trintignant, qu'il avait auparavant filmée dans Une affaire de femme, Claude Chabrol disait même qu'il y avait par moments presque une lueur de génie. De son côté, à propos de Chabrol, Marie Trintignant avouait « Jusqu'à lui, j'avais l'impression d'être malhonnête si je n'étais pas engagée jusqu'à l'extrême douleur dans mes rôles. Il m'a appris la légèreté, il m'a appris à grandir sans tragédie. » Claude Chabrol, pour son film « Betty » dans Projection privée de Michel Simon, une émission diffusée la première fois le 15 mars 1992 sur France Culture. Projection privée. Ce soir, nous recevons Claude Chabrol pour la sortie de son film Betty. Claude Chabrol, vous avez adapté deux fois Simenon. Il y a 10 ans exactement, c'était Les fantômes du Chapelier, et cette fois-ci c'est Betty. Et on a envie de vous demander pourquoi vous ne l'avez pas fait plus souvent, parce que c'est une rencontre très heureuse, parce que ce sont parmi vos meilleurs films. Oui, ben, c'est-à-dire que, bizarrement, ma première idée, quand je me suis décidé à faire des films, ma première idée était d'adapter un bouquin de Simenon, justement, qui était Le fils cardinaux. Et j'avais vu Simenon à ce moment-là, et qui avait été très gentil, et qui m'avait dit textuellement, écoutez, comme je ne m'intéresse absolument pas à ces problèmes d'argent, je suis très dur, alors je vous laisse à l'œil toutes les options que vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, mais si un jour on me fait une proposition ferme pour acheter Le fils cardinaux, je vous préviens, mais je le vends. Bon, très bien, c'était de bonne guerre. Hélas, c'était sans doute un peu tôt et je n'ai pas fait Le fils cardinaux. C'était avant le Beau-Serge, alors c'était en 57. Oui, c'était avant le Beau-Serge, c'est ça. C'était même 56, je crois. 56, 57. Et le film a été tourné par Grangier avec Gabin sous le titre Le sang à la tête, qui est un film assez intéressant d'ailleurs, mais qui n'avait pas de rapport avec Le fils cardinaux finalement. Qui a été retourné une autre fois pour la télévision. Par Mordillat, parce que là ça s'appelait Le fils cardinaux, c'était également intéressant, mais ça n'avait non plus pas de rapport avec Le fils cardinaux. Alors donc un grand saut dans le temps, puis ensuite Les fantômes du Chapelier. C'est cela. Alors ce qui était un vieux projet aussi, et puis que je voulais faire aux alentours des années 60 avec Maurice Chevalier, avec Charles Boyer. Et Et puis, là, j'avais à choper sur l'adaptation. J'avais eu beaucoup de mal, je n'avais pas trouvé la combine. Mais je crois que c'est que je n'avais pas l'acteur idéal. Et c'est quand j'ai pensé à Serrault que ça m'est venu beaucoup plus facilement. Mais alors, pourquoi pas plus souvent? Parce que en même temps, il y a tout de même une affinité, il y a une rencontre oui. entre vous et Simenon, dans le côté un peu entomologiste, dans cette façon presque neutre d'observer un milieu humain. Oui, c'est un cinéaste que j'aime énormément. C'est un écrivain que j'aime énormément, enfin que même plus que ça, enfin que là, je le place très haut dans mon petit panthéon. Mais bon, ça s'est trouvé comme ça. J'ai même eu un autre projet, je me souviens, qui était Long Cours, qui est un ouvrage magnifique aussi, mais pour lequel il me fallait absolument Brigitte Bardot, qui refusait de le faire parce que le rôle n'était pas assez important, enfin des choses de ce genre, ou qu'elle ne voulait pas quitter la France, enfin je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai eu des problèmes au départ, ce qui m'a empêché de travailler sur Simenon davantage. Et puis, il s'est passé ensuite qu'il y a eu tellement d'adaptations de Simenon que je voulais pas suivre le coche. Et puis, il s'est trouvé que les Fantômes du Chapelier sont sortis à une mauvaise époque et n'ont pas eu le succès que j'espérais, ce qui ne m'a pas encouragé. Je crois que ce sont les raisons principales. Mais alors, Betty, c'est comme ça, par hasard, vous avez lu le roman, ou c'est un roman que vous aviez lu il y a longtemps? J'avais lu le roman quand il était sorti, il m'avait plu, mais enfin, j'avais pas envisagé d'en faire un film pour toutes les raisons que je vous ai dites. Et puis, ça fait, pendant le tournage de Bovary, je me suis dit que ça vient d'une chose assez drôle, c'est que j'avais demandé au départ à Serrault de jouer Monsieur Homais. Et puis on s'était vu et il m'avait dit « Oh non, écoute, ça m'embête un peu parce que je déteste Flaubert. » Bon, effectivement, faut pas y aller. Et mais en même temps, c'est un homme que j'aime énormément et je cherchais, je me disais, je vais tâcher de trouver un autre sujet pour lui. Et par pur défi, je me suis dit, mais puisqu'on a déjà fait un Simenon, je vais voir si je peux pas en trouver un autre. Je vais penser à un livre qui s'appelle « Les quatre jours du pauvre homme », qui est en effet un très beau livre et que je tournerai peut-être là, celui-là, un de ces jours. Et quand on lit un Simenon, on en lit toujours deux ou trois. Alors j'en ai lu un deuxième, qui était Betty, comme ça. Et là, je suis, il n'y a pas d'autre mot, je suis tombé amoureux de la fille, de Betty. Et je me suis dit, tant pis pour le pauvre Michel. Je lui renvoie le chien de la chienne et je vais tourner Betty. En me disant que ça serait peut-être difficile de convaincre un producteur, puisque c'est un livre qui, a déjà, sa sortie n'avait pas eu un succès énorme, et puis qui a la caractéristique de ne pas avoir d'intrigue à proprement parler. Et je l'ai présenté à mon producteur, Marine Kermitz, avec un autre sujet, qui lui est au contraire un sujet policier à intrigue assez forte. Et à ma grande surprise, il a préféré faire Betty, ce qui est, enfin, à ma grande surprise, à ma grande joie, parce que moi aussi, je préférais faire Betty. Et c'est ainsi que ça s'est décidé. Alors, ce qui est très, très frappant, moi, j'aime pas lire les livres avant de voir les films. Enfin, parfois, on a lu les livres. Exemple, Madame Bovary, tout de même. Mais dans le cas de Betty, bon, c'est un Simenon que j'avais pas lu, mais il y en a beaucoup que je n'ai pas lu, c'est une œuvre immense. Et je l'ai lu après avoir vu le film. Et ce qui est très frappant, c'est que le film a une coulée cinématographique très pure. Enfin, c'est un film qui paraît vraiment presque, ça pourrait être un scénario original. On sent pas du tout l'adaptation. Or, quand on lit le roman, on voit à quel point vous avez été totalement fidèle au roman. On va en parler, il y a quelques modifications, même essentielles, comme de transposer aujourd'hui une action qui se passe en 1960. Mais par exemple, tous ces plans, ces retours en arrière que Simenon utilise, enfin tout ce système de construction temporelle qu'il n'annonce pas du tout, qu'il vraiment à l'intérieur, c'est presque de ce qu'on appelle le stream of consciousness, oui, enfin une sorte de dialogue intérieur, enfin de monologue intérieur, qu'il y a des bouffées comme ça de passé qui reviennent à la surface dans l'écriture de Simenon que vous avez transposé très très fluidement à l'écran. Oui, c'est-à-dire qu'il était impensable de faire autrement. Je veux dire, quand on adapte Simenon, il faut absolument suivre. Bon, étant donné que c'est une écriture quasi automatique, vous savez que Simenon écrivait ses livres en une dizaine, bon, il les rectifiait ensuite, mais il écrivait ses livres en une dizaine de jours. Donc, il est très dangereux d'essayer d'être plus malin que lui au niveau de la construction, parce que on se trompe tout le temps. Donc, il faut essayer de respecter la manière dont c'est construit. Et donc, des problèmes se posent qui sont effectivement des problèmes de transposition de la littérature à l'image. Cela étant dit, moi, sans aucune prétention, croyez-moi, je trouve que Betty le film est meilleur que Betty le livre, pour une raison simple, c'est que je crois que Simenon a fait davantage un scénario qu'un roman. Et un scénario d'un genre complètement original, mais les problèmes qui, assez complexes, vraisemblablement auxquels il s'est heurté pendant l'écriture du livre, finalement, étaient pour moi, au contraire, des atouts. Et c'est pour ça que je pense que c'était un scénario sans qu'il le sache. Alors évidemment, le problème, un des problèmes à l'écran, c'est un piège, c'est l'alcoolisme. Comment, parce que ce personnage de Betty boit, et comment représenter l'alcoolisme à l'écran sans tomber dans une sorte de misérabilisme ou de pathétique facile? Est-ce que vous étiez conscient sûrement de comment aborder cette représentation? C'est-à-dire que je suis parti du principe que, d'abord aux comédiennes, je leur ai dit ne vous occupez pas de l'alcool. Ne vous occupez pas de tout ça. Peut-être que de temps en temps, je vous demanderai d'avoir la bouche un peu pâteuse, mais c'est tout. Mais ne vous en préoccupez surtout pas. Mais par contre, ne refusez pas de boire quand je vous le demande. Bon, buvez. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal à fabriquer un whisky vraisemblable, parce que d'habitude, le faux whisky, c'est du thé. Non, bon, quand il s'agit d'un verre ou deux, ça va tout seul, parce que les gens ne s'aperçoivent de rien, mais le thé a mousse, hélas, un peu. Et là, il y a quand même pas mal de verres de whisky, et on se serait aperçu que ça moussait. Donc, il a fallu trouver quelque chose d'autre, et qui est finalement de l'alcool teinté, et ça fonctionne très bien, c'est vraiment comme du whisky. Alors simplement, je les ai fait boire normalement, c'est-à-dire donc elles boivent, mais elles boivent comme si c'était de l'eau. Sauf un moment, c'est-à-dire que je calculais quand elles étaient arrivées à 8 d'hiver, je leur faisais un petit signe de ressentir légèrement la chose. Mais enfin, il n'y a aucun moment de... elles ne sont jamais au bord de la nausée, quoi. Sauf peut-être au début, Marie, mais elle le fait tellement bien que ça passe comme une lettre à la poste. Alors, il y a chez vous comme chez Simenon un respect, disons, de la réalité, de l'opacité du réel. C'est-à-dire que vous nous donnez beaucoup d'informations. Betty nous les donne, puisque c'est une sorte de récit que fait cette femme, qu'une autre femme, Stéphane Audran, trouve dans un restaurant qui s'appelle Le Trou à Versailles, et amène dans un hôtel, et s'occupe d'elle, et elle lui raconte donc sa vie, cette fille qui a fait un mariage bourgeois, qui ensuite a fait une sorte de provocation, a voulu se sauver par un mariage, et finalement, je ne veux pas raconter le film, mais finalement, en fait, elle n'a pas accepté ce sauvetage. C'est un piège. Bon, voilà, et en même temps, ça reste mystérieux, c'est-à-dire qu'il y a pourquoi elle a accepté, par exemple, de laisser ses enfants, c'est une chose difficile. Oui. Quel est le rôle qu'a eu Thérèse, jeune fille qu'elle a vue, voilà. Et c'est un film qui respecte l'ambiguïté et même dirais plus encore l'opacité. C'est-à-dire que vous regardez comme dans un aquarium ces personnages. Oui. Et il reste aussi fascinant et aussi, enfin à la fin on en sait beaucoup plus qu'au début heureusement, mais en même temps il reste une part inexplorée. Oui, c'est-à-dire que j'ai fait comme Simenon. Je me suis dit que ce qui est intéressant c'est que les gens l'acceptent. Je ne dis pas l'explique. L'accepte. Je pense qu'à la fin du film, comme du livre, les gens ont accepté Betty, telle qu'elle est, avec ses défauts immenses. Elle est quand même un peu pute, faut bien dire la vérité. Elle est un peu garce aussi. Mais elle le sait, elle prévient, parce qu'elle est assez honnête. Alors bon, il y a tout ça. Il y a tous les éléments qui composent sa manière de vivre, son comportement. Et c'est à nous de les comprendre, on s'en fout, mais de les accepter. Alors, quant à comprendre, quant à psychanalyser, ça c'est autre chose. Il y a un truc qui m'a énormément frappé, c'est que délibérément, Simenon commence le récit de Betty après les moments importants de la formation mentale, c'est-à-dire que la théorie freudienne et des autres psychanalystes disent que entre le moment du ventre de la mère et les 4 premières années, c'est là que les choses se passent. Il est caractéristique que Betty commence à la 5e année ou la 6e année, c'est-à-dire après. C'est-à-dire qu'elle est déjà elle-même. Simplement, ce sont les éléments, les éléments de sa vie qui vont frapper sur ce cerveau dont on ne connaît rien, parce qu'on ne connaît rien du cerveau humain. Et ce qui est intéressant, c'est de voir disons, c'est comme une glace. Il y a un rayon qui arrive sur cette glace. Il est réfracté d'une certaine manière, et c'est cela qu'on regarde et que l'on finit par accepter. Alors cette lumière sur elle. Mais c'est un personnage qui semble avoir beaucoup intéressé Simenon, puisque dans ses mémoires, enfin, il parle de la genèse du livre. C'est une chose qu'il ne fait pas souvent. Jamais, oui. Il ne fait pas souvent. C'est un personnage qu'il a connu. Enfin, souvent, Simenon s'inspire de choses qu'il a observées, mais là, et même, il y a un double personnage, puisque sa femme lui a reproché. Oui. Voilà. Mais alors, c'est que lui a reproché de s'être servi d'elle comme modèle aussi. Je pense que sa femme lui reprochait en plus de s'être servi d'elle doublement, c'est-à-dire d'être à la fois Betty et Laure. C'est-à-dire qu'elle a servi pour les deux. Je crois volontiers qu'elle a servi un peu pour les deux. Mais la jeune femme qu'il avait recueillie, enfin ivre morte comme ça, et qu'il avait ramenée justement à cet hôtel-là où se déroule l'action, je pense qu'elle doit être 50-60% de Betty. Je crois que dans Betty, il doit y avoir 50% de cette femme, 25% de Denise, 25% de Simenon. Et dans Laure, il doit y avoir 50% de Denise et 50% de Simenon. Alors, vous avez rencontré vous-même Simenon? Oui, plusieurs fois, oui. Enfin, en dehors du moment où vous vouliez adapter Oui, bien entendu, je l'ai rencontré plusieurs fois parce que j'étais très ami avec un de ses fils, Marc, son fils aîné, et je le voyais chez lui. Je connaissais également son épouse alors, qui était Denise. Et on avait des discussions, on avait un amour commun du Calvados à l'époque, et on passait des demi-nuits assez lourdes, comme ça, et il me parlait de choses et d'autres. C'est un homme extrêmement ouvert, qui avait une caractéristique formidable. Il était persuadé de ne pas être intelligent et s'en foutait éperdument. Il expliquait que l'être humain, l'intelligence n'était pas la caractéristique principale de l'être humain, ça n'était qu'une de ses composantes, et que les autres étaient tout aussi passionnantes. C'est-à-dire, pour lui, c'était... Alors, pour lui, il y avait déjà l'instinct qu'il plaçait pas du tout à l'endroit de l'intelligence. Il m'avait fait un jour une très longue théorie sur le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien étant l'élément qui permet de se souvenir et de recomposer les forces et les distances. Et il expliquait que, il donnait comme exemple que le golfeur, par exemple, un grand golfeur de génie, n'est pas forcément un être intelligent, mais c'est un être dont le bulbe rachidien fonctionne au-delà de la moyenne d'un être humain. Et il disait que, de toute façon, même le plus grand golfeur du monde avait un bulbe rachidien infiniment moins développé qu'un chat ou que tel animal. Et tout ça est formidablement intéressant, et je crois que ça nous aide à comprendre un petit peu la nature humaine. Alors, ce qui est frappant, c'est que Simenon, n'était pas très cinéphile, enfin, il n'allait pas beaucoup au cinéma. Oui, il disait ça. Il le disait, mais alors que son écriture, comme celle, disons, de Dashiell Hammett en Amérique, enfin, comme certains écrivains de récits, de romans noirs, se rapproche beaucoup de l'objectif de la caméra, comme on dit le mot objectif, qui indique bien cette caméra œil. Oui, absolument. Mais il était assez sévère sur les cinéastes. Il reprochait beaucoup, enfin, ce qu'il reprochait, c'était de, parce que lui-même, il avait un problème avec ça, c'est que il disait, vous êtes complètement stupide, parce que bien entendu que l'écriture a été influencée par le cinéma, lui-même dans son cas c'était évident, il le reconnaissait volontiers, mais d'un autre côté je trouve que le cinéma est beaucoup trop influencé par la littérature dans ce qu'elle a de moins intéressante, c'est-à-dire l'intrigue. Et son idée était que le cinéaste avait à sa disposition un matériel humain, littéralement humain, c'est-à-dire qui sont les comédiens, qui étaient formidables, qui leur permettaient d'avoir immédiatement en trois dimensions des personnages qui pouvaient être forts, et que c'était largement suffisant pour passionner les gens, qu'il n'y avait pas besoin de faire voler des plans dans l'enceinte du Kremlin, que les personnages eux-mêmes étaient, l'être humain lui-même est infiniment plus intéressant que toutes les intrigues complexes. Et bon, il faut dire que c'est assez vrai que c'est une solution de facilité de trouver de fabriquer des intrigues. C'est toujours ce qu'on fabrique en dernier, finalement. Alors, vous lui avez donné raison, dans la mesure où justement, vous le disiez tout à l'heure, Betty est un roman sans intrigue, ou très peu d'intrigue, et vous avez ce formidable matériel humain qui était Marie Trintignant, que vous avez mis au centre de ses récits avec Stéphane Audran, pour justement incarner quelqu'un qui est tellement fascinant, dans son opacité, dans sa complexité, que, au fond, même s'il n'y a pas d'intrigue au sens traditionnel, en fait, c'est une série de péripéties. Oui, c'est ça. De péripéties morales et psychologiques. C'est comme un polar, mais la question n'est pas qui a tué Betty, mais tout plus simplement qui est Betty. Et en sachant pertinemment qu'on ne saura pas à la fin qui elle est complètement, mais on l'aura comprise un peu mieux, et on l'aura compris, j'aime pas trop ça, enfin, on l'aura accepté infiniment mieux. À vrai dire, ça correspond assez à ce dont il parlait, c'est-à-dire que lui, son idée, c'était des personnages et une construction. Il tenait à ça. Des personnages et une construction, c'est ce qui se passe dans Betty. Je reviens un instant derrière, mais quant à faire le principe des flashbacks ou des flashs de souvenirs comme ça, je crois que dans Simenon, c'est absolument indispensable, presque dans tous. Enfin, même dans ma tête, je n'ai pas peut-être exception de quelques Maigret, encore je n'en suis pas sûr, mais Simenon, le principe de Simenon, c'est la plongée quand même. On plonge dans quelque chose et il faut respecter cette donnée. Si on ne la respecte pas, je crois qu'on trahit. Alors, Marie Trintignant, alors vous l'aviez déjà utilisée dans Une affaire de femme. Alors, comment avez-vous, parce que c'est une actrice qu'on a remarqué, qui avait beaucoup de talent, mais bon, tout le monde le reconnaît, elle explose dans votre film, enfin, elle devient vraiment une très grande comédienne. Oui, c'est tout de même un choix très important pour un cinéaste de faire confiance, de faire porter un film par une très jeune comédienne. Vous l'aviez vue dans Une affaire de femme. Est-ce à partir de cette expérience avec elle, ou est-ce que dans d'autres films vous l'aviez vue également et vous pensiez qu'elle avait un potentiel? Non, je l'avais vue. Oui, non, mais je la connais depuis longtemps déjà. Bon, je la connais depuis son enfance pratiquement. Et elle me plaît beaucoup. Mais en même temps, je me souviens que pour Une affaire de femme, comme je l'avais connue toute petite, c'est elle qui m'avait littéralement arraché le rôle. Elle m'a dit, mais j'ai envie de faire la pute. Je lui ai dit, mais écoute, Marie, enfin... Parce que c'était la petite fille que j'avais connue. Je dis, je vais pas lui faire une pute. Bon. Et puis finalement, elle m'a convaincu d'une manière très, très, très adroite et très amusante. Bon, finalement, elle a eu le rôle, elle était épatante. Et au moment de Betty, elle a fait immédiatement partie des... Bon, elle n'était pas la seule actrice à laquelle, auquel j'avais pensé, bien entendu. J'avais pensé à trois ou quatre actrices, de même apparence, un peu. Et je les ai vues, et finalement, c'est elle qui d'abord s'est littéralement emballée pour le personnage, qui est toujours bon. Moi, j'aime mieux ça, que l'actrice soit emballée, et qui m'a littéralement tarabusté pour le faire, alors que les autres posaient des questions, sinon des conditions, et j'ai réussi à convaincre mon producteur, sans difficulté, je dois dire, de lui donner le rôle. Mais alors, en plus, il s'est passé une chose qui a dû jouer un tout petit peu dans cet éclatement formidable qu'il y a de Marie dans le film, c'est que je l'ai appelée un jour, un mardou, un mercredi, en disant, voilà, Marie, définitivement, tu feras Betty. Elle était folle de joie. Et deux jours après, elle a eu un accident de bagnole. Elle est passée à travers son pare-brise. Et elle a été désespérée parce qu'elle s'est dit, le rôle m'échappe. Avec Kermitz, on a décidé de l'attendre. Alors, on l'a téléphoné tout de suite, on a dit, ne t'en fais pas, de toute façon, on t'attend pour démarrer le film. Qu'on a démarré donc 15 jours plus tard, quoi. Bon, ça n'était pas terrible. Et ça aussi, ça l'a gonflé à bloc. Je veux dire, tous les éléments étaient réunis pour que ça se passe bien. Cela dit, elle a son talent propre, même par moment, par seconde. Moi, je dis qu'il y a presque une lueur de génie, comme ça. Et ça, on était tous impressionnés, quoi. Tous impressionnés, vraiment. Ce qui est amusant aussi, c'est que Stéphane Audran, qui l'écoute, qui est sa confidente, et d'ailleurs ça va beaucoup plus loin que ça, dans le propos moral du film, c'était la femme de Jean-Louis Trintignant avant d'être votre épouse. Absolument. Elle a été la femme de Trintignant, donc à la limite, elle aurait pu être la mère de Marie, ce qui ajoutait encore au comique de la situation. Mais alors, ça n'est pas la famille tuyau de poêle pour autant. Non, alors pour parler justement famille, c'est un film de famille. Bon, il y a Stéphane Audran, Marie d'Artagnan, il y a Stéphane Audran qui était votre première femme, il y a votre second fils Mathieu Chabrol qui depuis plusieurs films fait la musique de vos films. Oui. Votre fils cadet qui Thomas Chabrol qui joue un des amants de Betty l'étudiant. Et puis votre femme Aurore Chabrol est la script. Oui. Et même vous avez une fille qui est assistante. Ouais. Qui est assistante. Alors c'est et vous écrivez seul votre scénario, c'est-à-dire que vous créez cette sorte de. C'est pas automatique l'écriture solitaire du scénario. C'est pas ce qui m'amuse le plus en général. Mais là, à vrai dire, quand il s'agit d'adapter un bouquin de Simenon, j'écris pas le scénario seul puisque je l'écris avec Simenon. Donc on est déjà deux. À Guernesey. Oui, les tables tournantes. Oui. Non, je l'ai écrit pas à Guernesey, mais je l'ai pas écrit à Paris où ça aurait été sans doute plus difficile. Bon, j'ai essayé de me souvenir de l'homme. Alors, je fumais la pipe aussi, ce qui m'aidait. Ce qui est intéressant, c'est que bon, on parle toujours à propos de vos films, sans doute parce que vous avez écrit un livre avec Éric Rohmer dans votre jeunesse sur Hitchcock et où vous développiez une thématique religieuse, etc. Mmh. Moi, au contraire, ça me frappe beaucoup plus le rapport avec l'angle. La façon dont vous observez l'être humain me paraît beaucoup plus langienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la manipulation hitchcockienne du spectateur qui s'amuse avec le spectateur. Chez vous, il y a finalement un regard peut-être plus d'entomologiste dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que à vrai dire on peut dire qu'Hitchcock a lui-même été influencé par l'angle. Bien sûr, à Berlin. Oui. Donc, et puis on peut dire que toute la période anglaise d'Hitchcock vient des espions de l'angle, enfin, en gros. Mais il est vrai que je me balade un petit peu entre les deux dans ce genre d'inspiration. C'est que quand je sens qu'il y a péril en la demeure, et pour moi il y a péril en la demeure quand je ne suis pas sûr que le spectateur suivra, je fous des doses d'Hitchcock, enfin, j'hitchcockise un petit peu. Et puis, quand je suis dans un état d'euphorie où je me dis ça n'a pas d'importance, je sens que ça doit fonctionner suffisamment bien comme ça, je ne suis plus hitchcockien et je préfère la rigueur languienne à l'astuce hitchcockienne. Enfin, je simplifie un petit peu parce qu'il y a une rigueur hitchcockienne et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas d'astuce languienne. C'est comme ça que je le ressens. Comme ça que je le pratique surtout. Alors, dans le cas de Betty, je me disais, le risque était tel que je préférais jouer le jeu entièrement et que je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était languien ou hitchcockien ou quoi que ce soit d'autre. J'ai vraiment uniquement cherché à pénétrer le personnage, quoi. Mais alors, la fin du film, enfin, sans dévoiler du tout, mais il y a tout de même un transfert, là, qu'on pourrait dire hitchcockien. C'est-à-dire que le salut de l'un ne vient... Enfin, l'une se sauve qu'en perdant l'autre. Oui, c'est très intéressant. C'est un peu Inconnu du Nord Express, enfin. C'est très intéressant, parce que... chez Hitchcock, c'est transfert, c'est cette espèce de... Oui, le transfert, hein. Se rapproche de la notion de communion des saints, chère à Bernanos, enfin, et qui est illustrée en particulier dans, c'est la plus belle illustration que j'en connaisse, que dans le dialogue des Carmélites, avec la mère supérieure qui est une sainte, qui meurt dans une trouille épouvantable, et Blanche de la Force qui est une faible, qui devient forte grâce à la mort de la mère supérieure. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle, c'est une espèce de vase communicant d'énergie. C'est effectivement le cas dans Betty. Alors, je me suis longtemps posé la question de savoir si, l'intérêt réel que Simenon portait au catholicisme, enfin au côté judéo-chrétien de notre société. Et je n'ai toujours pas résolu la question. C'est-à-dire qu'il y a à la fois d'un d'un ontologisme matériel pur et dur. Et puis, par moments, il y a ces détails dans Les fantômes du Chapelier. Il est quand même pas triste que monsieur le Chapelier s'appelle monsieur l'abbé. Dans beaucoup de ses œuvres, il y a des choses comme ça. Mais par contre, La neige était sale est une œuvre complètement existentialiste. Et en même temps, il y a une unité. Donc, je crois qu'on n'a pas trouvé le nœud exact de toutes ces conceptions. C'est ce qui rend l'auteur formidablement intéressant. Et alors, dans le cas de Betty, ma structure personnelle est que je lutte. Je suis un chrétien repenti, si j'ose dire. J'ai été chrétien. Là aussi, voilà un beau lapsus. J'ai été chrétien calotin jusqu'à l'âge de 27-28 ans. Et il y a une rupture brutale, enfin. Après le Beausset. Une espèce de révélation, oui. Après oui. le Beausset. Oui, oui, il y a une espèce de révélation. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours décortiqué les choses dans le sens inverse de l'idée judéo-chrétienne. Mais d'un autre côté, je reste très fasciné, justement, par cette notion bernanosienne de communion des saints, qui est moi ce que je garde, en tout cas, de la religion catholique. Je crois que c'est la seule chose que je garde, mais je la garde, celle-là. Alors, on parlait tout à l'heure, à propos de Simenon, de son intérêt, enfin c'est vous qui en parliez plutôt, de son intérêt pour le cerveau humain, et vous ajoutiez, on ne connaît rien finalement du cerveau humain. Et votre intérêt, qui donne, parmi vos meilleurs films, cet intérêt qui a produit certains de vos meilleurs films, de Que la bête meurt, Le boucher, La femme infidèle, juste avant la nuit, ou des films comme Le fantôme du Chapelier. Votre intérêt pour le film criminel, n'est-ce pas justement le mystère du fonctionnement du cerveau? C'est-à-dire qu'au fond, ça c'est une chose que Lang remarquait aussi, nous sommes tous des assassins, c'est-à-dire que nous sommes tous des assassins potentiels. Qu'est-ce qui fait qu'il se passe dans le cerveau à un certain moment, le petit décalage, le petit accident qui fait que quelqu'un devient un meurtrier alors que quelqu'un d'autre ne le sera jamais? Voilà. C'est effectivement le fond du problème. C'est-à-dire que c'est même pas meurtrier. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est l'exemple le plus souligné. C'est qui est-ce qui pousse un type à accomplir une action de lâcheté? Qui est-ce qui pousse quelqu'un à être veule ou bêtement méchant pendant une seconde, ou des choses de genre? Bon, c'est la même chose, ça procède de la même chose. Effectivement, c'est passionnant, et il est impossible de pointer le doigt exactement là-dessus. La seule chose qu'on peut faire, c'est multiplier les exemples, et à partir de ces exemples, chercher avec le spectateur quelle peut être la solution. Moi, par exemple, je ne sais absolument rien de plus que ce que je dis de Betty ou de tout autre personnage que j'essaie de montrer dans les films. Simplement, je pense que ça doit aider un petit peu à atteindre une lucidité par rapport à la nature humaine qui aide à vivre. Sinon, ça serait pas intéressant. C'est pas parce que on est lucide sur les choses qu'on a gagné. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on est lucide sur l'état des choses, il est plus facile de vivre. Il est bien certain que si on voit à peu près comment on est fabriqué, sans se leurrer, et si on voit à peu près l'univers dans lequel on vit, le monde qui vous entoure, sans se leurrer, il est sans doute plus facile de passer à travers les écueils. C'est pour ça que je mets très souvent des aquariums dans mes films, parce que j'ai toujours pensé que c'était une des plus belles métaphores de l'état d'être humain et de ce qu'est la Terre. C'est-à-dire que ça soit représenté par de la flotte. La Terre, c'est de l'eau. Que ça soit représenté l'eau, par de la flotte, c'est assez drôle. L'eau dans un bocal. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans un milieu qui nous correspond plus ou moins, dans lequel on est plus ou moins à l'aise selon notre nature, et il faut trouver la solution. Alors, Bien entendu, il y a des poissons qui restent dans un coin, il y en a d'autres qui naviguent tout le temps, et je crois que les êtres humains sont un peu semblables, c'est très intéressant à étudier, et il y en a qui ne supportent pas certains temps, dans Béthune, de temps en temps, on enlève des poissons morts à cause de leur âge, et je crois qu'il arrive assez fréquemment que des gens disjonctent littéralement, parce que ils n'ont pas... Soit ils se sont leurrés sur eux-mêmes, soit ils se sont leurrés sur le monde qui les entoure. C'est pour ça que j'ai horreur, je hais ce que j'appelle les marchands de drogue, c'est-à-dire les gens qui vendent des fausses lunes aux malheureux spectateurs qui les gobent sans réfléchir une seconde. Il y a beaucoup de films que je déteste à cause de ça, alors qu'ils sont bien faits, assez intelligents, et je les hais parce que pour moi c'est comme des trafiquants de drogue. Alors, Claude Chabrol, je me rappelle quand, dans ma jeunesse, j'avais lu un article de vous, je sais plus s'il est dans le numéro 100 des Cahiers du cinéma, où vous parliez des grands sujets et des petits sujets. Oui. Et vous disiez, vous parliez des grands sujets, par exemple, je pense que vous citiez Métropolis de Fritz Lang, et des petits sujets qui étaient La femme au portrait du même Fritz Lang, en montrant finalement que La femme au portrait, c'était un film plus intéressant, peut-être plus réussi que des grands sujets. Alors, je vais vous poser un peu la question par rapport à Madame Bovary, je dirais pas que Madame Bovary c'est un grand sujet, parce que Madame Bovary, non, au contraire, on pourrait dire que c'est un petit sujet comme un Simenon, c'est un fait divers. Oui. Néanmoins, c'est un grand livre. Je veux dire au sens que le grand livre se substitue au grand sujet, mais il s'agit du même ordre, c'est-à-dire de quelque chose par laquelle on est intimidé parce que ça a un poids de sérieux. Et c'est pas intimidant, Madame Bovary. Alors moi, je pense que il y a dans Betty, pour moi, ce que vous n'avez pas réussi vraiment dans Madame Bovary. Alors, je sais bien que vous m'avez gentiment, avec même pas mal de condescendance, de paternalisme, dans lesquels du cinéma, vous dites un entretien, ce brave Michel Simon... Oui. Non, je me permets de faire la citation, par autopublicité, mais ça prouve que vous n'êtes pas très sûr de vous, malgré tout. Ce brave Michel Simon a dit que Bovary ressemblait au film de la qualité française des années 50. Oui. C'est entièrement faux. Oui. En fait, il correspond à la réalité d'un film de 1850, pas 1950. Bon, vous me permettrez quand même de trouver la réponse insuffisante. Oui, j'expliquais. Mais deux pages plus loin. Je vais m'expliquer sur les deux pages après, parce que, absolument, il y a une contradiction. Il n'est pas impossible que, comme un calque, le fait de tourner Madame Bovary tel qu'il est écrit amène à fabriquer un film de la qualité française des années 50, bien que je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai. Alors on passe du entièrement faux à la page 36 au pas tout à fait vrai à la page 38. Alors bon, je crois réellement que c'est entièrement faux, mais je comprends parce que je savais d'avance que le projet que j'avais de Madame Bovary serait peu compréhensible. Il s'agissait purement et simplement de mettre en image, très exactement, dans la mesure du possible, mais avec les éléments que j'ai supprimés n'avaient pas une importance considérable par rapport au projet, très exactement ce que Flaubert avait décrit dans tout, dans les mouvements, dans les gestes, dans les déplacements des personnages. Et, tout simplement, pour les faire se comporter strictement tels qu'ils se comportaient en 1850. Et alors, bien entendu que la première réaction, quand on dit que ça fait penser à un film de la qualité française de 1950, la première réaction est foutaise, puisque dans mon esprit, il n'en est pas question. Il ne s'agit même pas de retrouver ce genre de truc. Ce qui est amusant, c'est qu'un esprit aussi vif que le vôtre, mon cher Michel, ait trouvé que ça ressemblait à un film des années 50. Et alors, c'est pourquoi, finalement, au cours de cette discussion des cahiers, je me suis dit, tout en parlant, que peut-être, à l'arrivée, le cinéma qualité française des années 1950 correspondait au cinéma d'avant-garde des années 1850. Oui, cinéma potentiel. Au cinéma potentiel, bien entendu, des années 1850. C'est-à-dire que Flaubert, en 1850, aurait fait les films que Delannoy faisait en 1950. C'est-à-dire qu'il avait, disons, un siècle d'avance. Quoi. C'est possible, c'est peut-être la solution. Parce que c'est un siècle d'avance pour être Delannoy. C'est peut-être la solution. Quoi. Mais en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure de Simenon, c'est-à-dire que Simenon, vous disiez que votre film serait peut-être supérieur au livre, parce que Simenon, ce serait au fond un scénario, alors que si donc le livre de Simenon pêcherait par un manque, si vous voulez, de maturité totale littéraire, au sens de plénitude littéraire, on peut dire que le livre de Flaubert, par rapport au cinéma, est à une extrême richesse littéraire. Oui, c'est une extrême richesse. Et que, automatiquement, vous avez avec... d'ailleurs, vous dites également que deux définitions qui me paraissent très intéressantes. Betty ne respecte pas les données d'écriture de Simenon, il les retrouve. Oui. Alors que Madame Bovary respecte l'écriture de Flaubert. Oui. Et peut-être c'est dans ce respect que le film pêche, alors que dans Betty, il s'agit de retrouver... Il ne peut pas pêcher. Il s'agissait de faire un film qui était Madame Bovary de Gustave Flaubert. Il ne s'agissait pas de faire ma Madame Bovary, il s'agissait de faire Madame Bovary de Gustave Flaubert. Bon. Je jure que je l'ai fait avec le plus grand soin, la plus grande minutie. Tous les flaubertistes avertis, tous ces malheureux qui ont passé 40 ans de leur vie à travailler Flaubert, admettent parfaitement ce point de vue. Ils disent, c'est Madame Bovary et Madame Bovary de Flaubert. Bon. Alors, bien entendu, je sais que dans la vieille lutte entre le cinéma et la littérature, où le cinéma a eu un mal fou à se dégager de la littérature et même à prendre des positions davantage sur la littérature. Et bien évident qu'une entreprise comme celle-là est terrible. Pour les cinéphiles, c'est une entreprise terrible. Mais en même temps, en regardant Madame Bovary à la Moviola, il y a infiniment plus d'audace, de construction de films, de montage, enfin, Il y a des règles élémentaires qui sont bafouées 200 fois sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est justement là ce qui me fascine, c'est que je ne l'ai pas fait délibérément, je l'ai fait malgré. Et il se trouve que ça passe comme une lettre à la poste. Et que ça a presque même l'air académique. Alors, pour moi, ça devient formidablement intéressant. Parce que, finalement, les règles d'abord sont, ça on le savait depuis longtemps, que les règles n'existaient pas. Mais aussi, que les transgressés n'amènent pas forcément l'avant-garde, ce qui explique pourquoi l'avant-garde devient rapidement l'arrière-garde. Mais est-ce qu'on peut dire que Betty, c'est l'anti-Bovary, que c'est une réponse à Bovary, parce que c'est pas quelqu'un qui rêve, c'est pas une romantique, Betty. Betty, c'est vraisemblablement ce qu'aurait été Emma Bovary un siècle plus tard. C'est toujours pas. Alors, c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que j'ai transposé Madame Bovary de Betty de 1960 à 1992. Pas du tout. Ce que j'ai fait. J'ai été fidèle à Simenon qui avait écrit en 1961 un livre qui se passait en 1961. Par conséquent, la logique voulait qu'en 92, je fasse un film qui se passe en 92, ou bien alors, j'aurais été obligé de refaire le coup de Madame Bovary, c'est-à-dire de situer en 61 et de faire un film de 61. Merci Claude Chabrol d'être venu ce soir nous parler de ce très beau film que vous venez de faire, qui s'appelle donc Betty, avec Stéphane Audran et Marie Trintignant. C'était Claude Chabrol pour son film Betty dans Projection privée de Michel Simon. Première diffusion le 15 mars 1992 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.